الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Al-Karim ul-Akram, le noble et très généreux. Al-Ladhi allama bil-qalam, allama l'insana ma lam ya'lam. Qui a enseigné grâce à la plume, ou bien le kalam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, ça veut dire ce que l'homme ne savait pas. Wa allama min ghayri qalam. علم الصبي كيف يتكلم et sans plume il a enseigné à l'enfant comment doit-il parler واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu tuteur des vertueux قال تعالى وتبارك il dit احب ثلاثا وحبي لثلاث أشد j'aime trois et mon amour pour trois autres est plus fort et plus grand أحب أهل السخاء j'aime les gens de la générosité وحبي للفقير السخي أشد mais mon amour pour le pauvre qui est généreux est plus fort, cet amour est plus fort encore. وَأُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ et j'aime les gens modestes. وَحُبِّي لِلْغَنِي الْمُتَوَاضِعِ أَشَدْ mais mon amour pour le riche qui est en même temps modeste est plus fort. وَأُحِبُّ التَّائِبِينَ et j'aime les repentis. وَحُبِّي لِلشَّابِ التَّائِبِ mais mon amour pour le jeune repenti est plus fort. Akhi, ukhti, hal anta min alladhina yuhibbuhum Allah? Frère ou sœur, fais-tu partie des gens aimés par Dieu? Wa ubghidu thalathan et je déteste trois. Wa bughdi li thalathin ashad. Mais ma détestation pour trois autres est plus forte. Obridu al-fussaq, je déteste les pervers. Wa bourdi les shaykh al-fasiq, achat shaykh fasiq. Wa lazala fihi fisq, lam yatub ila Allah ta'ala wa tabarak. Mais ma détestation pour le vieux et qui est pervers est plus forte. Obridu al-bukhala, je déteste les gens avares. Wa bughdi lil-ghani al-bakhil ashad. Mais ma détestation pour le riche qui est avare est plus forte. Wa ubghidu al-mutakabbirin et je déteste les orgueilleux. Wa bughdi lil-faqir al-mutakabbir ashad. Yani huwa faqir, ma jash ma takabbur. Fa ana ubghidu akthar. Et je déteste les orgueilleux, mais ma détestation pour le pauvre qui est orgueilleux est plus forte. Wa ubghid al-fussar, et je déteste les pervers. Wa bughdi lish-shaykh al-fasiqi ashad, et ma détestation pour le vieux qui est pervers est plus forte. Fa hal anta ya akhi wa ya ukhti min alladhina yubghiduhum Allah? Fais-tu partie, frère ou sœur, des gens détestés par Dieu? Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad. Uhibbu ahla as-sakha wa hubbi lil faqir as-sakhi ashad. Uhibbu al-mutawadhi'in wa hubbi lil ghani al-mutawadhi' ashad. Wa uhibbu at-ta'ibin wa hubbi lish-shab التائب أشد وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد أكبر وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد أكبر وأبغض الفساق وبغضي للشيخ الفاسق أشد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. علمنا احترام الأخوة. Il nous a enseigné le respect de la fraternité. فقال, il dit, لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. Ne montre pas ta jouissance du malheur de ton frère, parce que Dieu va le toucher de sa grâce ou de sa miséricorde, et il va t'éprouver à sa place. Il va te mettre, toi, à l'épreuve, à sa place. La tuzhir ash-shamata li akhik al-muslim. La tuzhir ash-shamata li akhik, fayarhamahu Allah wa yabtalik. Rawahu l'imam al-Tirmidhi. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wa al-akhawatu fil islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام très cher ou bien-aimé محمد المصطفى pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. سنتكلم اليوم عن مرض من الأمراض التي أصابت المسلمين في هذا العصر. Je vais parler aujourd'hui d'une maladie ou d'un mal qui a touché les musulmans à notre époque. أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه خطير. Le minimum qu'on puisse dire à propos de cette maladie, c'est qu'elle est dangereuse. هذا المرض هو التعصب لمذهب. La maladie s'appelle être fanatique pour une école juridique musulmane. وأعني المذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي. Et je veux dire par là, être fanatique, par exemple, à l'école malikite, ou à l'école hanafite, ou à l'école shafiite, ou à l'école hanbalite, ou d'autres écoles, ou ila madhahib ukhra. Hadha al-marad asab al-masajid wa asab al-a'ilat. Cette maladie a touché les mosquées et a frappé les familles. وأينما وصل هذا المرض تسبب في النزاعات. Et là où cette maladie arrive, elle cause des dégâts, elle cause des disputes. والفرقة, elle cause la séparation entre les musulmans. الحقد, elle cause la haine du musulman sur son frère. السب, les insultes entre les musulmans. السخرية, la moquerie, chacun se moque de l'autre. والغيبة, et en plus la médisance, إلى آخره, etc. وأذكر بأن اختيار مذهب من المذاهب, je rappelle que le fait de choisir une école parmi d'autres, هو وسيلة وليس غاية. Le choix d'une école est un moyen et n'est jamais un but ou un objectif. وسيلة للقرب من الله, un moyen pour s'approcher mieux de Dieu. ولكنه صار الآن وسيلة للبعد من الله. Le problème c'est que aujourd'hui choisir une école est devenu un moyen pour s'éloigner de Dieu. نظر للتعصب, et ceci à cause du fanatisme. تجد في المسجد الواحد, tu trouves dans la même mosquée عدة مجموعات, plusieurs groupes. كل مجموعة لها مذهبها. Chaque groupe a son propre rite ou a sa propre école. والمجموعة في حرب والمجموعات في حرب كلامية. Et entre les groupes, il y a des guerres de paroles. إلى درجة أنهم لا يقولون لبعضهم حتى السلام عليكم. يعني لا خير في هؤلاء. حتى السلام عليكم لا يقولها المسلم للمسلم. Jusqu'au point de ne pas dire entre eux السلام عليكم. Et ça c'est le minimum qu'on demande à un musulman de dire à son frère, c'est pas son ennemi, à son frère le musulman, assalamu alaykoum. Alaysa hadha maradan, ne s'agit-il pas d'une maladie? Wa kullun yaqul ana ala haqq, et chacun dit que c'est moi qui ai raison. Wa ghayri ala al-batil, et chacun dit que c'est l'autre qui a tort. Fil bayt al-wahid, dans la même maison, tajid al-abna madhhab, tu trouves le père qui suit une école, wal ummu ma'a madhhab, et la mère qui suit une autre, wal ibnu ma'a madhhab, et le fils avec une autre école, wa kullun muta'assib li madhhabihi, et chacun est fanatique pour son école. Il a darajat an al-hiwar yasir mustahilan, jusqu'au point que le dialogue devient difficile ou impossible. Al-an qabl az-zawaj, maintenant, avant le mariage, la femme demande à son futur mari ou à celui qui demande sa main, quelle est ton école? Si son école est différente de la sienne, elle ne va pas se marier avec lui, il est musulman, mais il a une autre école. Pourquoi elle ne se marie pas, elle n'accepte pas? Parce qu'elle a peur des problèmes qui vont naître par la suite. Est-ce que cet état plaît à Dieu le très haut? La réponse est normale, non. Cet état plaît et satisfait Satan. Cet état des musulmans d'aujourd'hui satisfait les ennemis d'islam, parce que l'islam nous demande, nous ordonne l'unité. L'islam nous demande, nous ordonne la fraternité. Dieu dit dans un verset coranique, les musulmans, les croyants ne sont que des frères. L'islam يريد لنا السلام بيننا اتبع اي مذهب ولكن سالمني واسالمك. L'islam ne demande la paix entre nous. Choisis mon frère ce que tu veux comme école, mais tu as le droit de choisir, mais n'oublie pas que moi aussi j'ai le droit de choisir, mais je reste musulman, tu restes musulman, on doit nous saluer au minimum. واقول للاخوه الذين من غير قصد يغضون التعصب المذهبي. Je dis aux frères ou bien aux sœurs qui involontairement nourrissent le fanatisme des écoles, اتقوا الله, craignez pieusement Dieu. استيقظوا من غفلتكم, réveillez-vous de votre inattention. إنكم لا تخدمون مصالح الدين, vous n'êtes pas en train de servir les intérêts de la religion. إنكم تخدمون مصالح أعداء الدين, vous êtes en train de servir les intérêts des ennemis de la religion. إنكم تظنون أنكم تحسنون صنعا, vous pensez que vous êtes en train de bien faire. ولكنكم تفعلون العكس, mais en fait, vous êtes en train de mal faire. Vous êtes en train de faire le contraire de ce que vous voulez. ماذا ستقولون لله يوم القيامة? Qu'allez-vous dire à Dieu le jour de la résurrection? ألا تخافون من هذه الآية? N'avez-vous pas peur de ce verset coranique? قل هل ننبئكم بالخسرين أعمالا? Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. ألا تخافون من هذه الآية? N'avez-vous pas peur de ce verset coranique? وقدمنا, الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. توبوا إلى الله, repentez-vous à Dieu. أخي أختي frère sœur إذا رأيتم يوما si un jour vous voyez أحدا يمدح مذهبا quelqu'un qui dit beaucoup de bien d'une école musulmane وينتقد بشدة المذاهب الأخرى il critique avec dureté les autres écoles وربما سبها et peut-être il l'a même ou il les a même insultés أو يسب عالما من العلماء أو ينتقص من عالم من العلماء ou bien si un jour vous voyez quelqu'un insulter un savant parmi les savants de l'islam فاحذروه méfiez-vous de cette personne celui qui insulte un savant devant vous méfiez-vous de lui celui qui dit du mal d'une école n'importe laquelle méfiez-vous de lui ولا تتبعوا ne le suivez surtout pas كيف اتبع رجلا يسب المسلمين ويسب علماء المسلمين comment dois-je suivre un homme ou une femme qui insulte devant moi les musulmans qui insulte devant moi les savants des musulmans واتساءل et je m'interroge هل يجوز اتباع مذهبي Imam min al-a'im al-mujtahidin, je m'interroge, est-il permis, est-il possible de suivre une école où l'imam, ou un imam parmi les imams des écoles, amla ou bien non, je n'ai pas le droit. Al-jawab, la réponse. Qal al-ulama, les savants disent, na'am, oui, il est possible. Bal huwa wajib, mais plutôt c'est pas possible, c'est obligatoire. ولكن من غير تعصب mais seulement sans fanatisme والدليل قوله تعالى la preuve réside dans le verset coranique فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas فمن لا يعلم يجب عليه أن يسأل العلماء il est normal il est ordinaire que celui qui ne sait pas demande à ceux qui savent, demande aux savants. أَمَّا الْعَالِمْ فَغَيْرُ مَعْنِي بِهَذِهِ الْآيَةِ Tandis que le savant, celui qui a réuni toutes les conditions pour être un savant, il n'est pas considéré par ce verset coranique. وَلَكِنْ الْمُصِيبَ Mais le malheur, هُوَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ بِدَافِعِ الْغُرُورِ C'est que quelques gens par effet de vanité, il pense qu'il est devenu un savant. Raja ila l'islam mundu sana. Dakhala fi l'islam mundu sana ou sanatayn. Wa sara alim al-madina. Wa jaza lahu an yasub al-ulama. Le malheur, c'est que quelques gens qui reviennent à la religion ou qui rentrent dans la religion depuis un an, depuis deux, et ça y est, il est devenu le maître de la ville en islam. Il est devenu le savant de la ville, il n'a pas honte. Et il lui est permis maintenant d'insulter les grands savants, parce que lui c'est un grand savant, il est revenu depuis une année à l'islam. Si on lui montre une lettre en arabe, il ne sait pas la lire. Il ne sait pas lire une lettre en arabe. Il se permet à insulter les maîtres du savoir en islam. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu lui dis, écris-moi quatre lignes qui veulent dire quelque chose de correct en arabe, il est incapable. Et il induit sa propre personne et un groupe avec lui vers l'erreur. Méfiez-vous des gens auprès desquels vous allez apprendre votre religion. C'est pas n'importe quoi, c'est votre religion. Il faut apprendre votre religion auprès des gens qui méritent cela. Celui qui est revenu depuis un an, deux ans, et il va commencer à insulter les savants, en réalité, il est ignorant. Il dit, je ne suis aucune école parmi les écoles qui existent. ويكتفي بالقرآن والسنة. Et il va se contenter du Coran et de la Sunna. Malgré que le Coran et la Sunna sont en arabe. Et lui, il ne connaît pas l'arabe. Et même les traductions qui existent du Coran et de la Sunna contiennent beaucoup d'erreurs. ويكون خطأه أكثر من صوابه. Et les fois où il aura tort sont plus nombreuses que les fois où il aura raison dans sa compréhension des livres qu'il va lire. Il y a un autre groupe parmi d'autres qui ont interdit l'appartenance à une école musulmane. Ils ont dit à leurs disciples, ils ont dit aux gens, haramun ittiba al-imam Malik ou haramun ittiba al-imam Abi Hanifa ila akhiri. Et ils ont dit que c'est interdit, c'est haram de suivre l'imam Malik ou de suivre l'imam Abu Hanifa ou les autres. Wa nasu hadhihi al-ayah. Ils ont oublié ce verset coranique. Wa la taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhib. هذا حلال وهذا حرام. Et ne dites pas conformément au mensonge proféré par vos langues, ceci est licite et ceci est illicite. لتفتروا على الله الكذب. Pour forger les mensonges contre Dieu. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Dieu ne réussiront jamais. قبل أن تقول لشيء هذا حرام. Avant de dire que telle chose est interdite. اسأل نفسك. Demande à ta propre personne. هل أنت متيقن? Es-tu sûr de ce que tu dis? إنك ستوقع في مكان الله. Tu vas signer, lorsque tu dis ceci illicite ou illicite, tu vas signer à la place de Dieu. ستحرم على الناس ربما ما أحل الله لهم. Peut-être tu es en train d'interdire pour les gens ce que Dieu leur a rendu licite, halal. ما دليلك لتحرم? Quel est ton argument pour pouvoir interdire? هل أنت عالم? Es-tu un savant? أم أنت تردد ما سمعت? Ou plutôt tu es en train de répéter ce que tu as entendu comme un perroquet. سيسألك الله. Dieu va t'interroger. أخي أختي. يسألك الله يوم القيامة عن هذه الكلمة حرام. Dieu le jour de la résurrection va t'interroger à propos de ce mot que tu prononçais حرام. وإذا قلت لهذه الطائفة من أراد أن يتوضأ ماذا يفعل? Si tu dis à ce groupe de gens, celui qui veut faire les ablutions, comment doit-il faire? من أراد أن يصلي ماذا يفعل? Celui qui veut apprendre la prière, comment doit-il faire? قالوا لك يقرأ القرآن. Ils vont te dire il doit lire le Coran. وصحيح البخاري ومسلم وكتب الحديث. Il doit lire l'authentique de Bukhari et l'authentique de Muslim et les autres livres. ولا يتبع الإمام مالك. Et surtout pas, il ne doit pas suivre l'imam Malik ou الشافعي ou غيره. Il ne doit pas suivre l'imam الشافعي ou les autres. أقول هذا مستحيل. Je dis c'est impossible. On demande aux gens quelque chose qui est insensé, impossible. مليار. و300 مليون مسلم. 1 milliard. Et 300 millions de musulmans, yaqra'una kulluhum kutub al-hadith. Tout ce monde-là vont lire les livres du hadith. Qabla al-wudu, avant de faire les premières ablutions, wa qabla al-salah, et avant de faire la première prière, ils doivent lire tout ce tas de livres de hadith. Et de walladhi la ya'rif al-qira'a, et celui qui est illettré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer quelqu'un pour lire à sa place? وهذا العمل قد قام به العلماء. Cette œuvre de recenser les choses recommandées, les choses obligatoires dans les ablutions ou dans la prière sont déjà faites par des savants يعني هذا العمل قام به العلماء من قبل، لماذا نعيد ما قام به العلماء؟ والجواب سهل. Et la réponse pour les ablutions ou pour la prière est facile. موجودة في المذاهب الإسلامية. Se trouve dans les écoles islamiques, dans l'héritage laissé par les écoles islamiques. فبدل أربعة مذاهب au lieu d'avoir quatre écoles, سيصير عندنا مليار و300 مليون مذهب. Si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, à la place de quatre écoles, on va fabriquer, on va produire 1,3 milliard d'écoles. Kulluha akhta. Des écoles, 1 milliard et plus, pleines d'erreurs. Hadha huwa hadmu ad-din. Telle est la destruction de la religion. Hadha tala'ub bid-din. Il s'agit là d'une manipulation de la religion, voulue par les ennemis de l'islam. Limadha la naqul lin-nas. Pourquoi on ne doit pas dire aux gens « Haramun an tadhabu inda at-tabib » Il est interdit d'aller chez le médecin. « Haramun an tadhabu inda muslih as-sayyarat » Il est interdit d'aller chez le réparateur, le mécanicien réparateur des voitures. « Hahiya kutub at-tib » Voici tous les livres de la médecine. Voici tous les livres de la mécanique. « Hahiya kutub al-mécanique » Iqra'u, vous devez lire ces livres. « Wada'u anfusakum » Et soignez-vous par vous-même. Wa aslihu sayyaratikum bi anfusikum. Et réparez vos voitures par vous-même. Hadi hamaqa. Telle est une folie. Lan yaqbalaha ahad. Personne n'accepterait cette folie. Yani ay kunt marid, sa'bhat an ahsan tabib. Lorsque je suis malade, je cherche le meilleur médecin. Idha kanat sayyara ta'bana, yani sar fi yani utl. Si la voiture tombe en panne, je vais chercher le meilleur mécanicien. Ou lemma tkoun qadiya qadiya ddin qra ghir nta ou kima jat yadik. Et lorsqu'il s'agit de la religion, c'est toi qui vas lire, tu vas pas chercher le meilleur dans la religion. Fa kayfa la naqbal hadha al kalam fi umur ad dunya? Comment on ne doit pas accepter ce genre de paroles dans les choses ou dans les domaines de la vie ici-bas, wa naqbalahu fi ad-din, et on les accepte dans la religion. Fa ka'annana nastahzi'u billahi wa bid-din, et comme si on est en train de nous moquer de Dieu et de la religion. Hadhihi at-ta'ifa harramat al-madahib. Ce groupe a interdit les écoles. ولكنها من حيث لا تشعر بنت مذهبا جديدا. Mais ce groupe qui a interdit l'école ou les écoles, et sans se rendre compte, ils ont fondé une nouvelle école. وأحلت ما حرمت. Et elle a rendu licite pour elle ce qu'elle a interdit pour les autres. تقول لهم من اتبع يقول لك اتبع مذهبي انا. Et tu vas leur dire, mais moi je suis ignorant, que dois-je faire? Quelle école doit suivre? Ils vont te dire c'est interdit de suivre l'école, mais c'est pas interdit pour toi de suivre mon école, moi. Et c'est pas interdit pour toi de suivre les savants que moi je vais te dire ou te proposer. Mais tous les autres savants en dehors de ça sont des ignorants et tu dois pas les suivre. Je m'interroge. مثلاً الإمام مالك. Je me pose la question. Celui qui suit une école, par exemple celle de l'imam Malik, celui qui suit l'imam Malik par exemple, ou un autre, Abu Hanifa ou un autre, هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم a-t-il abandonné le prophète, prière et salut sur lui, parce qu'il est maintenant en train de suivre Malik ou en train de suivre imam Abu Hanifa? C'est-à-dire, il n'est plus en train de suivre le prophète, prière et salut. Est-ce ceci est vrai? Al-Jawab, la réponse. Alladhi yatba'u al-madahib al-arba'a, innama yattabi'u al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit les quatre écoles musulmanes est en train de suivre le prophète, prière et salut sur lui. Lianna a'immat al-madahib, Abu Hanifa, ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنه كل هؤلاء العلماء كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه parce que celui qui suit l'une de ces écoles, il est en train de suivre le prophète, prière et salut sur lui, parce que tous les imams Abu Hanifa, l'imam Malik et les autres étaient des grands savants et étaient en train de suivre le prophète, prière et salut sur lui. et était en train d'aimer le prophète, prière et sa joie. Faman tabi'ahum, celui qui va les suivre ou suivre l'un d'eux, tabi'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui suit l'imam Malik ou suit un autre imam parmi ces imams, en fait, il est en train de suivre le prophète, prière et sa joie, parce que son imam était en train de suivre le prophète, prière et sage sur lui. Ces savants, ces imams, étaient des pieux. L'imam Malik, imam al-Madina, wa imam masjid, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Malik, l'imam de Médine, l'imam de la mosquée du prophète, prière et sage sur lui, كانت لا تمر ليلة إلا ويرى في المنام النبي sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas une nuit qui passait sans que l'imam Malik voyait dans le songe pendant la nuit le prophète, prière et sage sur lui. كانوا أتقياء, ils étaient des pieux. يقول لو مرت ليلة ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم اتهمت نفسي بالنفاق. Si une nuit passe et je vois pas le prophète, prière et sage sur lui, dit l'imam Malik, si je vois pas le prophète, prière et sage sur lui dans le songe, je m'accuse moi-même de l'hypocrisie. Je vais craindre pour moi de devenir hypocrite. Et maintenant, quelqu'un qui est revenu une semaine ou un mois ou une année à l'islam, il va commencer à insulter l'imam Malik. Quelle ignorance ! L'islam, yaqul, l'islam dit, العلماء ورثة الأنبياء. Les savants sont les héritiers des prophètes. فعلماء الإسلام ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم. Les savants musulmans ont hérité du savoir, de la lumière du prophète, prière et sage. وورثوا نور النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد العلم ومن أراد النور فَعَلَيْهِ بِاتِّبَاعِ الْعُلَمَاءِ. Celui qui veut le savoir, celui qui veut la lumière, il doit suivre les savants. كَمَا مَنْ أَرَادَ الشِّفَاءِ فَعَلَيْهِ بِاتِّبَاعِ الْأَطِبَّاءِ. Exactement comme celui qui veut la guérison, d'être soigné, il doit suivre les médecins. وَالْعُلَمَاءُ هُمْ أَطِبَّاءُ الدِّينِ. Et les savants sont les médecins de la religion. وَكَمْ أَتَعَجَّبْ لَمَّا أَسْمَعْ أُنَاسًا يَذْكُرُونَ الْأَئِمَّ الْأَرْبَعَ بِالسُّوءِ. Et combien je m'étonne lorsque j'entends des gens citer ou dire beaucoup de mal des quatre imams. لِأَنَّهُمْ خَالَفُوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Parce qu'ils disent que ces quatre imams ou l'un d'eux ont contrarié le prophète, prière et sage-souris. Ont fait le contraire de ce qu'a dit le prophète, prière et sage-souris. Ou parce qu'ils ont fourni l'effort de comprendre, de donner un avis musulman sur une situation particulière et ils ont commis une erreur dans leur compréhension des textes. Fi ba'd al-masa'il. Aqul la yumkin an yusahhiha 'aliman إلا عالم مثله من نفس الدرجة ومن نفس العيار. Je dis qu'il est inadmissible que quelqu'un corrige un savant sauf s'il est lui aussi un savant du même calibre. أما الإسلام فيأمر العلماء بالاجتهاد. Mais l'islam, il ordonne aux savants de fournir l'effort pour comprendre les textes. ويقول للعالم إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران. L'islam dit, lorsque le savant fournit l'effort pour comprendre un texte et répondre à une question, s'il a raison dans sa compréhension, il aura deux fois le salaire. وإذا لم يصب فله أجر واحد. له أجر ليس له عذاب, لا له أجر. هو مخطئ وله أجر, وإذا أنت اتبعته على خطئه فأنت لك أجر كذلك, لأنه هو مصيب وإن أخطأ. هذا هو الدين, والله أراد الأمر هكذا. لماذا تريد يا أخي أن تضيق واسعا؟ Et dans le cas où l'imam fournit l'effort et se trompe, ça veut dire c'est pas juste ce qu'il a dit. Après l'effort fourni, il aura de la part de Dieu quand même un salaire. Pas deux fois le salaire, mais un salaire. فالأئمة الأربعة لم يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهدوا بل أطاعوه. On comprend par là que les quatre imams, ils n'ont pas contrarié le prophète prière et salut lorsqu'ils ont fourni l'effort d'eux pour comprendre les textes, mais plutôt ils ont obéi au messager de Dieu prière et salut. والذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ceux qui ont contrarié le prophète prière et salut هم الذين يسبون العلماء sont ceux qui insultent les savants. وقالوا عنهم السوء ceux qui ont contrarié le prophète prière et salut sont ceux qui disent beaucoup de mal de nos grands savants. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال parce que le prophète prière et salut dit لا تسبوا الأموات n'insultez pas les morts. رواه البخاري rapporté par l'imam al-Bukhari. من سب أحدا من الأئمة فهو فاسق. Celui qui insulte l'un parmi les grands imams devient pervers. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول parce que le prophète prière et salut lui dit سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Insulter un musulman est une perversité et le combattre est une mécréance. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa man 'ada imaman min al-a'imma al-arba'a, celui qui se déclare comme un ennemi pour l'un des quatre grands imams, falyantadhir harban min Allah, il n'a qu'à attendre une guerre menée par Dieu contre lui. قال تعالى في حديث قدسي, Dieu dit dans un hadith, dans une parole sainte, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Celui qui devient l'ennemi de l'un de mes élus, je lui déclarerai la guerre. رواه البخاري rapporté par l'imam البخاري. أقول, je dis à la fin, إن الأئمة الأربعة اختارهم الله تعالى وتبارك. Les quatre grands imams sont choisis de la part de Dieu le Très-Haut للحفاظ عن دينه afin de préserver sa religion وللدفاع عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Ils sont choisis par Dieu afin qu'ils défendent la sunna du prophète prière et salut sur lui. فمن تعرض لهم فليخش على نفسه سوء الخاتمة. Celui qui s'oppose à eux, celui qui touche à eux par le mal, il doit craindre pour lui la mauvaise fin. ونسأل الله الهداية للجميع, et on demande à Dieu de bien orienter tous les musulmans. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, أتساءل, je m'interroge, هل هناك فرق بين المذاهب؟ هل هناك فضل لمذهب على آخر؟ Je m'interroge, y a-t-il une différence entre les écoles? Y a-t-il un mérite pour une école par rapport aux autres? Comme ça, je vais la suivre. Al-jawab, la farqa bayn al-madahib. La réponse, il n'y a aucune différence entre les écoles. Choisis, mon frère, ce que tu veux. Je ne vais pas te dire, choisis ce que moi je suis. Tu es libre. Choisis ce que toi tu veux. Et celui qui te dit ne choisis rien à part mon école, méfie-toi de lui. ولا فضل لمذهب على آخر. Et il n'y a aucun mérite d'une école par rapport à une autre. والمذاهب كلها سواء بالنسبة لغير العالم. Et toutes les écoles sont pareilles en ce qui concerne le non-savant, celui qui n'a pas le savoir. N'importe quelle école est bonne pour lui. وهذا الكلام يعني عدم التعصب لمذهب دون آخر. Ceci signifie ne pas être fanatique pour une école par rapport aux autres. فلا يمكن لإنسان أن يقول مذهبي هو الحق والمذاهب الأخرى كلها خطأ. Il n'est pas permis pour quelqu'un de dire mon école est correcte et excellente à raison et les autres ont tort. يا أخي يا أختي frère sœur اترك الحكم لله يوم القيامة. Laisse le jugement pour Dieu le jour de la résurrection. وأتساءل سؤالا آخر. Je m'interroge une autre question. هل إذا انتميت إلى مذهب ما فيجوز لي أن أدعو الناس إلى مذهبي؟ Si je suis une école, est-ce que il est permis pour moi d'inviter, d'appeler les gens à mon école? الجواب نعم. La réponse oui. إذا لم يكن هناك تعصب à condition qu'il n'y ait pas du fanatisme de ta part pour cette école. وإذا لم يكن هناك سب للمذاهب الأخرى. La réponse est oui, à condition qu'il n'y ait pas des insultes pour les autres imams. وإذا لم يكن هناك تعالي أو تكبر على الناس. La réponse est oui, dans le cas où il n'y a pas un orgueil vis-à-vis des autres, أو احتقار لهم, ou un mépris vis-à-vis des autres. تجد الواحد يأتي عند إنسان أو جماعة. Tu trouves quelqu'un qui vient chez un homme ou chez tout un groupe ويقول لهم صلاتكم باطلة, pour leur dire votre prière est nulle. يعني وبدأ يصلي منذ أمس. Il a commencé la prière hier ou avant-hier ou la semaine dernière. Et il dit aux autres votre prière est nulle. Moi le sauveur, je vous sauve. Voilà comment il faut prier. صلاتكم باطلة. لماذا؟ Pourquoi notre prière est nulle? لأنهم يتبعون مذهبا آخر. Parce qu'ils suivent une autre école. هذا كلام خطير. Il s'agit de paroles dangereuses. تفوح منه رائحة الغرور. Des paroles à partir desquelles se dégage l'odeur ou le parfum de la vanité. من أنت؟ Qui es-tu? من أنت يا أخي؟ حتى تحكم على الناس بأن صلاتهم باطلة. Qui es-tu, mon frère ou ma sœur, afin de pouvoir juger que la prière des autres est nulle? هل صرت إلها؟ Es-tu devenu un Dieu? أنت الله؟ C'est toi Dieu? C'est toi Allah? أنت إله مع الله؟ Tu es un Dieu avec Allah? ألا تخاف من الله؟ N'as-tu pas peur de Dieu? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sage lui dit. قال رجل, un homme dit, والله لا يغفر الله لفلان. Par Dieu, Dieu ne va pas pardonner les fautes de fulan, de telle personne. فقال الله عز وجل, et Dieu le très haut a répondu, من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. Qui est cette personne que jure comme quoi je ne peux pas pardonner à mon serviteur? إني قد غفرت له. Je lui ai pardonné. وأحبطت عملك. Et j'ai annulé ton œuvre. Toi qui dis, toi qui jures que les autres. رواه الإمام مسلم في صحيحه. Rapporté par l'imam مسلم dans son authentique. ألا تخاف أن يقول لك الله. Frère ou sœur, n'as-tu pas peur que Dieu te dise, إني قبلت صلاته. J'ai agréé sa prière, malgré qu'elle est contraire à ton école. J'ai agréé sa prière. قبلت صلاته وإن خالفت مذهبك ورفضت صلاتك وإن كانت صادقة. Et j'ai refusé ta prière, même s'il est conforme. وفي الأخير أعطي لإخوتي نصيحتي. À la fin, je donne deux conseils à mes frères et à mes sœurs. أولا, premièrement, وأنت تعلم الناس علوم مذهبك. Lorsque tu es en train d'enseigner aux autres les savoirs de ton école, لا تنسى بأن الله ينظر إليك. N'oublie pas que Dieu te regarde. وينظر إلى قلبك. Et regarde ton cœur. فحاول أن تكون نيتك وغايتك هو تعليم الناس رحمة بهم. Essaye que ton intention profonde dans le cœur soit le fait d'enseigner les gens par pitié envers eux. فيرحمك الله. Et Dieu te touche ton globe par sa miséricorde. Wa iyyaka an takuna ghayatuk hiya shukr an-nas. Méfie-toi que ton intention soit collecter les remerciements des gens. Ou an tubayyana lin-nas bi annaka ta'rif. Méfie-toi que ton intention soit le fait de montrer aux autres qu'ils sont ignorants et que toi tu es l'unique savant. Fa inna Allah sayazdarik. Parce qu'à ce moment-là, Dieu va te regarder avec un grand mépris. Deuxièmement, la taj'al kull hayatik. Ne fais pas de toute ta vie. Hayat ghariqa fil madhhab. Une vie noyée dans l'école que tu suis. Wa fi qawa'id al madhhab. Et dans les règles qui gèrent ton école. Ila akhiri, etc. Khudh min al madhhab qadra hajatik. لتكون صلاتك وصيامك إلى آخره وعبادتك صحيحة صحيحة. Prends de ton école le minimum que tu puisses prendre afin que ta prière, que ton jeûne, que ton adoration soit valable et correcte. فالمذهب وسيلة وليس غاية. L'école n'est qu'un moyen et non pas une fin. فَالْغَيَةِ هِيَ الْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ. La fin ou le but, c'est de t'approcher de Dieu. فَاجْعَلْ حَيَاتَكْ كُلَّ حَيَاتِكْ طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ. Fais de ta vie, toute ta vie, un chemin vers Dieu. حَاوِلْ أَنْ تَتَعَلَّمْ كَيْفَ تَتَقَرَّبْ مِنَ اللَّهِ. Essaye d'apprendre comment tu vas faire pour t'approcher de Dieu. كَيْفَ تُحِبْ اللَّهِ. Apprends comment tu vas aimer Dieu. تعلم كيف تطهر قلبك. Tu vas pas passer toute ta vie quand même à apprendre les règles et à comprendre les règles de ton école. Essaie de comprendre, d'apprendre comment tu vas purifier ton cœur. هذا الذي ينفعك. فإياك أن تنسيك المذاهب غايتك المقدسة. Méfie-toi que les écoles ne te fassent pas oublier ton but sacré. إياك أن تقوم بالمحرمات بإسم مذهبك. Méfie-toi, n'accomplis pas les interdits au nom de ton école. فسب المسلمين يا أخي حرام. Insulter les musulmans, mon frère ou ma soeur, est interdit. الحقد على المسلمين حرام. Être haineux à l'égard des musulmans est interdit. تفريق المسلمين في المسجد حرام. Séparer les musulmans dans une mosquée ou autre est interdit. Zar'u al-fitna fil masajid haram. Semer les graines de la discorde dans la mosquée est interdit. Qat'u rawabit al-ukhuwa al-islamiyya haram. Couper les liens de la fraternité islamique est interdit. Ila akhiri, etc. Réveille-toi, mon frère ou ma sœur. Istayqiz ya akhi ou ya ukhti. Fannabi sallallahu alayhi wa sallam amarana an nakuna ikhwa. Le prophète prière et sage, il nous a demandé d'être des frères. Si tu as un maître, il te dit d'être le frère de tout le monde, suis-le. Si tu as un maître qui t'apprend à devenir l'ennemi des musulmans qui se trouvent dans les mosquées, sépare-toi de lui. Kullu wahid yuhib al-akhar. L'islam nous dit que chacun doit aimer l'autre. Wa hadhihi alamat al-iman. Et c'est ça le signe de la foi. Fa iyyaka an tahdim ad-din bismi madhhabik. Méfie-toi, ne détruis pas la religion au nom de ton école. Iyyaka an tusbiha aduwan lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam bismi madhhabik wa afkarik. Méfie-toi, ne deviens pas l'ennemi du prophète, prière et sage sur lui, au nom de ton école et au nom de tes Zidé, Allahumma wafiq al-jami'. On demande à Dieu d'aider tout le monde à emprunter le chemin correct, le droit chemin. Allahumma inni da'in fa'aminu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa al-afu wa al-afiyah fi al-dini wa al-dunya wa al-akhirah. Allahumma alif ala al-khayri qulubana wa aslih data baynina واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب يا من لا اله الا انت نسالك في هذا اليوم المؤاخاة فيما بيننا. اللهم اخي بيننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا اخوانا متحابين. اللهم اجعلنا اخوانا متحابين في الدين متزاورين في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا رحمة على بعضنا البعض. اللهم لا تفرق بيننا وبين بعضنا. بعدما أدخلتنا بيتك وبعدما أدخلتنا إلى مسجدك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا للخير، اللهم وفقنا لكل خير تحبه ويرضيك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن ترحم عبادك في كل بلادك، اللهم ارحمهم، اللهم انزل عليهم شآبيب رحمتك، اللهم انزل عليهم رضوانك، اللهم انزل عليهم السلام يا رب السلام، يا سلام انزل السلام على كل المسلمين في العالم. اللهم بدل خوفهم أمنا وبدل جوعهم شبعا برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض في هذا اليوم عن الإمام مالك وعن أبي حنيفة وعن أحمد بن حنبل وعن الشافعي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جازهم عنا خير الجزاء، اللهم جازهم عن أمتك خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أحبابهم ولا تجعلنا من أعدائهم، واجعلنا ممن يتبعونهم ولا تجعلنا ممن يخالفونهم، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.